Mayday et DJ Brace. Venez vous déhancher sur une programmation pointue de DJ sets et de live électro d'artistes locaux et internationaux. Le Meg Montréal donne rendez-vous à tous les amateurs de beats tapageurs et de pas de danse endiablés au cours de trois soirées survoltées en plein cœur de Montréal. Plus d'infos sur megmontréal.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. L'Auto-Québec présente la 24e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 13 au 25 juillet. Ne manquez pas la révélation du moment l'envoûtante chanteuse berbère Indy Zara, le son très world chaleureux Sarazino, les as de la récup Konono numéro 1 entre rythme traditionnel rock expérimental et électro-acoustique, et en concert de clôture, les maîtres incontestés du zouk depuis 30 ans, le mythique groupe Kassav. Pour plus d'informations, visitez le www.festivalnuitdafrique.com. Bonsoir. Cette semaine, on parle de viol, de cambriolage, d'incendie et de blessures par balle dans une édition très sérieuse de 70%. En passant, j'espère que vous avez passé de manière. Hein? Y'a trop de questions sur ma liste, de questions techniques et existentielles. Si Jésus était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie? Qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils. La vie ce n'est pas simple, mais heureusement on peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Et va donc répéter ça à ta sœur de ma part, elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. Ooh. L'excellente trame sonore de Chrono Trigger. Ben oui, toi. Je me suis dit, m'en nous payer du luxe à soir. Là. Oui. Ah, il faisait ça bien dans le temps avec 16 bits. Nous autres, on en a juste une chacun. Hey, Étienne Forêt, bonjour. Bonjour. Fête des pères, fête du Canada? Non, aujourd'hui, c'est MISC. MISC, c'est l'Anénéus. Oh, OK, pas de thématique. Pas de thématique, c'est juste plein de découvertes, le fun que je mettais de côté dans les dernières semaines. Puis là, ben, on joue donc tout ça en face aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, quand il dit que c'est le fun, ça peut pas nécessairement dire ça. Ben, ça dépend. Ça dépend. C'est comme les gars de Total Crap ont déjà dit, il faut que tu choisisses s'il y a de la bonne marde puis il y a de la mauvaise marde. Choisis ton camp. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ben, oui, ça, c'est sûr. Julien Bernatché au complet. Oui, ben présent. T'es à côté du micro fantôme aussi, c'est quoi? C'est parce que tu sentais mauvais? Ah, c'est pour David faut tantôt. Faut pas le dire, pensé. Ça pas ça à la maison. C'est ça. mais David Sedge, il va venir nous parler tantôt de racisme et de football. Ça se mélange aussi bien que la bière puis des chars, ça. Puis sinon, ben toi, excuse. Non, ça va. Ça va. Vas-y, hein, ouais, parle. Moi, j'ai un dossier démystifiant sur Archie aujourd'hui. Oh, oh shit, t'as fait assez fort. On en a parlé dernièrement en plus. Il s'est marié. Oui. Ben, je parle de ça. J'ai pas entendu en parler. Ah, ben, c'est correct. Ah, ça fait okay, bon, ça va être un autre angle d'approche. Ça va être un autre qui va être vu sur Archie, mais il n'y en aura jamais trop. Ah non, c'est sûr. On a Bruno, puis... Excusez, je retiens mon souffle, j'étais à côté de Julien, là. Faut pas le dire. Hein. Et puis après ça, c'est quoi? C'est la batterie des babes, là. C'est, comment t'appelles ça? C'est Elisabeth. Hello. On a Evelyne. Bonjour. Et puis on a Sandra. Bonjour. J'ai amené ma gang de filles pour fêter ma fête. Et voilà. Ouais, voilà. Et puis Israël, toi, t'es encore en train de te battre contre l'excellent, que dis-je, le quintessentiel. Le sublime Final Fantasy VIII, je vais vous en parler juste un petit peu, parce que c'est ma fête également, fait que je vais plus parler de party. En tout cas, ça va être fantastique. Oui, ça va être fantastique. Peut-être pas à côté de la lune, mais ça va être fantastique. Toi, Evelyne, t'as sorti ton grand classique, c'est quoi qui se passe avec ça? Ouais, ben la page 68... De l'humain et le divin, j'en parle de Normal Amour, est fascinante. Et voilà, on va essayer de la finir. Hey, ça commence, c'est Jean-François Gibson, des ex-map au Sprat, des Sprat. Il a fait une toune pour la fête à Jean-Hude. Non, à moi. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. On va l'écouter, ça s'appelle Zanoun. Et voilà, fait qu'on commence ça à 70%, puis après ça, on va vous parler un petit peu des Crippled Master, les maîtres de... Non, les monstres du Kung-Fu. Les monstres, parce que c'est parce... des infirmes. Ouais. Et voilà, on est à 70%, on écoute Jean Fête et Zanoun. On est 70%, puis on aime ça. Ici Vincent Lemaitre-Vierge. Et Maud Cicciarello. Du groupe Les Belvédères. Vous écoutez 70%. La meilleure émission! Ah, ben, c'est nous autres, ça. Super créative. Ici Marie-France de Montréal Striptease à l'émission 70% à Choc FM. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Bonsoir les manchettes internationales, une présentation de Subway. Subway, c'est comme Quiznos, mais un peu moins bon. Alors, on y va tout de suite. Bruce Tuck, un homme de 275 livres condamné à 60 ans de prison pour 19 accusations criminelles, dont 3 viols, va en appel se représentant lui-même contre l'État du Tennessee. La requête de 10 pages de Tuck tente de renverser la condamnation pour plusieurs raisons, incluant la fouille supposément illégale de sa chambre, le fait qu'on lui ait pas lu ses droits Miranda, une assistance légale inefficace, mais surtout le fait que sa confession aurait été obtenue parce que son interrogateur lui aurait offert un snack. Tuck affirme qu'au moment de son incarcération, on lui aurait imposé une diète stricte de laitue seulement, et qu'après une période de torture végétalienne indéterminée, le détective Marty Plunk lui aurait offert un sac de chips et un breuvage froid en échange d'informations sur le dossier. La tentation des chips et de la liqueur l'aurait poussé à confesser les crimes. La police affirme que la preuve d'ADN affligeante pourrait aussi avoir un rôle à jouer dans sa condamnation. Hey, c'est bon, ça! Mais le pire, c'est que s'il arrive à convaincre un juge que c'est vrai, c'est toutes ces affaires-là, il peut très bien s'en sortir, peu importe l'ADN. Peu importe tu veux dire, il va avoir moins violé de monde parce qu'il avait fait des chips. Ouais, ben, il peut avoir violé du monde, mais on n'était pas censé le savoir. Ça, c'était pas de nos affaires. Aïe, ben, c'est bien fait pour un autre, mon gars. D'accord, on continue dans la connerie du criminel. Deux passagers d'une voiture blessés dans un accident ont poursuivi le conducteur pour négligence. Les passagers qui venaient de cambrioler une résidence ensemble se sauvaient dans une voiture conduite par M. Kirkwood, leur conducteur désigné. Moins de 2 km plus loin, Kirkwood a heurté 3 voitures avant de se sauver à pied, n'échangeant même pas ses informations d'assurance avec les autres conducteurs. Ça semble un cas clair de négligence, pour ne pas dire faute professionnelle. Les 3 hommes ont été plus tard arrêtés. Malheureusement pour les passagers qui poursuivaient le conducteur, et heureusement pour le gros bon sens, le Code civil de la Californie stipule que dans quelques poursuites basées sur la négligence, une personne ne peut recevoir de compensation si les blessures du demandeur ont été causées de quelque façon que ce soit par les actions criminelles du demandeur ou de sa faute, sa fuite de telles actions, et que le demandeur ait été dûment condamné de ce crime. Voilà, donc... c'est ça, ça marchera pas. Dans tes mots? Il pourra pas parce qu'il était dans... Parce qu'il était en train de faire un crime. Il était en train de faire un crime. Fait que le plus rien compte. Non, c'est ça. C'est pas fou, ça, quand même. Non, c'est ça. C'est bon, mais normal, au départ, la loi a été écrite pour empêcher qu'on poursuive des policiers. Mais ça fonctionne dans ce cas-là aussi. Ouais, ben oui, parce que ça reste des personnes. Ça reste des personnes. C'est une assez fabuleuse, ça. Merci bien gros, Bruno. C'est comme l'histoire du gars, je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine, là, mais qui est en train d'essayer de voler les capes de roue d'une auto pendant que le conducteur, l'ayant pas vu, est entré dans l'auto puis a reculé, puis il a écrasé la main. Ah oui? Puis le gars qui s'est fait écraser la main, il poursuivait l'autre, tu sais. Comme l'histoire du gars qui est tombé par le plafond, puis il est tombé sur... il voulait aller voler, puis là, il est tombé sur la table de la cuisine de quelqu'un qui avait laissé des couteaux traîner, puis que là, il s'est blessé. Fait que là, il a poursuivi au civil parce que c'était négligence. C'est ça. C'est beau. Fait que c'est pour ça qu'il y a des belles lois de même pour empêcher que ça arrive. Pour empêcher les aberrations, bien sûr. Hey, moi, j'ai parti ici les Crippled Masters, les monstres du Kung-Fu. Là. Vous allez reconnaître, tous les mouvements à peu près, ça fait des espèces de bruits de coups de vent qui n'ont pas de bon sens. Ouais. C'est la force du Kung-Fu. Ainsi va le Kung-Fu, ainsi est le Kung-Fu. J'en parle un petit peu avant de s'en aller vers celui qui va lever sa main pendant que je vais finir mon petit texte, là. Crippled Master, j'ai écouté les Twilight cette semaine, je les ai downloadés, ça m'a rien coûté, j'insiste. L'ensemble fut très éducatif à l'envers, et au final, j'ai quelquefois plusieurs questions qui demeurent. Les plus pressantes sont, pourquoi un être de 109 ans passe-t-il ses journées à l'école? Comment un être qui a amassé autant de potentiel peut-il stagner à ce point? Y a-t-il un public cible plus malléable que les adolescentes? Comment les loups-garous peuvent-ils n'avoir autant pas de poils en forme humaine? Chacun sa réflexion là-dessus. Sinon, nous sommes ici pour une bonne dose de kung-fu traditionnel dans le plus pur des vrais sens du terme. Personnellement, j'adore les trames sonores de ces films-là. Musique calme et incessante, dérangée par les discours à la mort moelle-neu et bien sûr les bruits de taloche exagérés. Comme les chorégraphies d'athlètes accomplis et le manque d'imagination scénaristique sont toujours à l'honneur dans ce genre de film, vous comprenez pourquoi on en propose pas trop souvent et qu'on sélectionne les quelques rares avec une saveur unique. On se souvient tous que le dernier Kung Fu Style fut l'excellent Shaolin Shastiti Kung Fu, avec pour particularité ses multiple tech entre villageois avides de vengeance. On gardait Crippled Master pour une de ces soirées d'été où on veut voir des choses bouger sans avoir à se forcer. Et bien sûr, pour symboliser le règne de Harper à la tête de notre beau pays, en cette période de 1 milliard pour que des vestons-cravates se rencontrent pas en vidéoconférence. Je pense que c'est de l'argent bien investi. Ouais. Loin d'être différent des autres films de Kung Fu, le film de Kung Fu de ce soir nous offre les mêmes séquences de films de Kung Fu dans le même ordre que tous les autres longs métrages de Kung Fu. Le petit épice ici, ça réside dans le fait que c'est des infirmes, les héros. Et puis, ben, oubliez pas, on va rire avec des infirmes. Ouais. Eux sont en forme et ont fait leur possible pour rester dignes et optimales avec ce que la vie leur a fourni. Ça, c'est champion et je dis chapeau. La bande de marteaux qui vont se faire péter la fiole par l'un ou l'autre des infirmes ou par la combinaison démoniaque des deux, ce sont de eux qu'on va rire. Comment est-ce possible de demander pitié à un gars qui, debout, nous arrive à la hauteur des genoux? Pourquoi Edward Cullen ne brille-t-il pas toujours un peu, lui qui se promène tout le temps au soleil? Un couple entre un monsieur de 109 ans et une fillette de 17 ans, complexée et manipulable. À partir de quand on parle de pédophilie? Ben avant ça. Je sais pas. En tout cas, c'est un petit peu mon dossier sur... on va en reparler tantôt, on va reparler de Kung Fu de pur. Je m'en vais à 4 minutes 40 pour vous faire savourer... C'est parce que, tu sais, au début, ils ont les jambes, puis là... Bien, coupe aussi l'autre bras. Quel détachement. Léon, tu as bafoué nos règles, alors tu mérites ce que tu as. Voilà. Comme nous avons travaillé ensemble, j'ai été très indulgent. Tu peux m'en être reconnaissant. Emmenez-le. Un instant. Monsieur Pao. Il faut comprendre que la décision vient du maître. Monsieur Pao, c'est lui qui arrive à hauteur des genoux? Ouais, ben... Monsieur Pao, je trouve ça très dur. C'est ça qui s'appelle Pao. Oui, et ce n'est qu'un avertissement. Oh! Tu connais le tempérament de notre maître. Très bien. Très bien. Jetez-le dehors. Tu es une belle ordure. Shang, tu es fort aujourd'hui. Mais un jour viendra où tu devras payer tout cela. Sortez-le d'ici. Tu n'es pas un homme. Ah, tu es pire qu'un chacal. Tu es un monstre. Un monstre. Un monstre. Et voilà, là, il se fait domper dehors. Il vient de se faire couper les bras. On le dompe dehors. Tu ne nous causeras plus d'ennuis. Je te conseille d'aller très loin d'ici. Autrement... Autrement quoi, là? Je comprends pas. Il a attrapé une mouche. Je ne donne pas cher de ta vie. Là, il vient d'écraser la mouche. J'avais entendu le crunch. C'est menaçant, ça. Oui, c'est ça. On va poursuivre un petit peu avec un autre extrait parce que c'est à 12 minutes 57 qu'il rencontre son nouveau maître qui va devenir son ami et le protéger. C'est un personnage très important. Tu es réveillé? Ouais. Attends, je vais... Doucement. Eh ben, ça a l'air d'aller. J'ai de la soupe pour toi. Hein? Non. Comfort food. Ouais, c'est ça. Comme à la maison. Où suis-je? En ramassant les morts, j'ai vu que toi, tu étais vivant, alors je t'ai ramené ici. Contrairement aux branches. Oh, ça n'est rien, tu vois. Bien que j'ai perdu l'argent du cercueil, je trouve qu'il est plus important de sauver une ville. N'est-ce pas? Appelle-moi Chin dès maintenant. Chin? Okay, ça commence là. Bon, tu sais, je suis différent des autres gens. Tous les autres ne pensent qu'à l'argent. Moi, je trouve que tout vaut beaucoup mieux que l'or. Alors, quand je me regarde, je suis très heureux. Je l'ai trouvé pas pire, cette phrase-là. Là. Le gars qui s'analyse pour là. Nous. Autrement, pourquoi ton type... Je m'appelle Leo. Mon maître était Lin Chen Kung. Le boss mais la il s'est retourné contre moi. Oui. Voilà son travail. Oh, c'est dur. J'ai entendu dire par des gens de chez lui que le maître Lin Chen Kung était très bon. Mais je sais que ce n'est pas vrai. En fait, mon opinion est qu'il est cruel, qu'il est le diable. Comment? Ça donne bien, il pose la fin. Oh, oui. Il m'achète souvent des cercueils. Il présente le mal, comme... Il arrive plusieurs fois dans une il y a une grosse cicatrice LED d'un bord de la face aussi. Ah ouais. Puis une petite moustache fine, comme un boss de Kung Fu. Voilà. J'étais aveugle. Oui, on est loin des clichés, là. Très, très loin. Pour l'avoir aidé dans tous ses crimes. Tu es encore très jeune. Tu peux recommencer ta vie et gagner le respect de toi-même si tu le veux. Non. Oh. Tiens, allez, bois ça. Ça, ça veut dire qu'on se prépare un petit montage d'entraînement. Hop, ça, c'est les hommes de l'autre. Ils viennent chercher des cercueils. Puis là, ben, c'est eux autres qui avaient coupé le bras à l'autre. Puis là, ils le reconnaissent parce qu'ils ont coupé les bras avant après-midi. Puis là, ben, là, ils disent, toi, on va mourir. Puis là, ça fait des bruits de vouf, vouf, vouf, vouf. Puis après ça, ben, ils reparlent encore de fadaise. Ça m'amène au monde d'Étienne Forêt-Georges. Oui. Fadaise. Merci, merci. Ben, il fait ce qu'il faut, mon gars. Oui, écoutez, j'ai toutes sortes de belles choses aujourd'hui pour vous. On va commencer par un petit peu de nouveau Damien Roy. Damien Roy, qui est ébéniste, sculpteur, bruiteur, imitateur de moteur. Oui. On le rappellera. Donc, il a fait une petite version spéciale du Seigneur et dans le moteur, spécialement pour Jacques Villeneuve. Oh shit! C'est très beau. Il prend le volant de Toyota, c'est pas comme une Ferrari. Il s'accroche dans le bric à bras et le truck est trop gros pour lui. Puis Villeneuve chante une chanson. Ce qui est le fun, c'est que c'est complètement différent de tout ce qu'il fait d'habitude. Eh, hey, yeah, c'est. On parle des Villeneuve, le grand. Il se remet de toutes ses fans, flippe la boulette sur le barbecue. Il embrasse sa belle Suzanne, sort la bouteille de Cordonnier. Puis Villeneuve chante une chanson. Est-ce que c'est pour Jacques ou Gilles ou Jacques fils ou Jacques c'est frère? Ben, il l'a dit au début Honda puis Ferrari. C'est ça. C'est Jacques. C'est genre. L'auteur, compositeur, interprète. Vrai de vrai. De renommée internationale. On est loin de Monaco. Il est déçu dans tous les pays. Une course dans l'Italie. Aïe, c'est beau, hein? C'est, ouais, ouais, je savais que vous aimeriez ça. Ouais. J'ai trouvé une toune de Damien Roy qui a pas de bruit de moteur. Je sais bien ça. T'es sûr que c'est le même? Ouais, c'est sur le même disque en plus. Ça s'appelle Du pot dans mon blé d'Inde. C'est qui plante ses potes dans mon blé d'Inde? Mon blé d'Inde! Tes animaux sont à moitié fuckés. J'ai une vieille vache qui est encore plus vache qu'une vache. Ouais, ça c'est beau, ça c'est beau. Faire un air niaiseux, bien me faire des faces de bœuf. Ah! Face oh. De moué. Quel esprit! Face mode de moué. Faites-vous d'animaux en place. Montrer qu'il est versatile. Dans mon blé d'Inde. Mon blé d'Inde. Mes animaux sont à moitié sautés. C'est l'histoire d'un fermier qui trouve du pot dans son blé d'Inde. Et voilà, c'est ça. Et puis il a oublié de l'enlever de sa récolte avant de nourrir ses cochons. C'est un ébéniste qui trouve du pot dans son blé d'Inde. Pas beaucoup d'ébénistes qui ont du blé d'Inde chez eux, dans un champ, mais ça se peut, hein. C'était possible. J'avais compris d'une épéniste. Ah non, croisement de carrière. Ouais. Est-ce que la tonne a fini en temps? On va la mettre à la fin. Ça va pouvoir entendre par vous-même. On est bien cool. Il fait des bruits de poule, là. Le cochon. La moitié sautée. Ça, c'est les animaux sautés. Ouais, à moitié sautés, ça. Là. Non, fade out, non. Tu fais d'art de banjo, c'est t'as un choix, t'as deux choix en hein, country, c'est, ouais. C'est soit le fade out ou le effectivement, c'était deux options. Hey, shoot-nous un autre, mon gars, c'est du beau misc, ça. C'est pas pire, hein? Ouais, c'est touchant. Sinon, ben, j'avais déjà parlé de l'album En amour avec la vie de Gilles Paul, qui contenait la chanson Que la vie est plate. Également contient la chanson Faites-moi pas chier, que j'ai aujourd'hui, je fais jouer ça. Pas très bon, mais... Il y a de la suite des idées. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'aime. C'est progressif. Faites-moi chier avec vos discours, vos grandes soirées et vos petits concours. Faites-moi chier avec vos dentelles, vos côtes à queue mais traditionnelles. Ça part à chic, ça finit là. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ça en voit pas, c'est tout si bien. C'est assez critique sociale. Ouais, c'est super plate là, chante. Mais hein, c'est vraiment pas le fun. Ce qui est drôle, c'est le contraste entre le titre de l'album et le titre de la toune. Ouais. À part ça, je suis tombé sur une affaire, je sais pas vous autres, j'arrête ça, je suis plus capable. Si vous n'avez entendu parler, en 2007, il y a un policier du SPVM, donc ici à Montréal, qui avait fait une toune raciste. sur l'air d'une toune de Joe Dassin. Ah oui! Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Je suis tombé là-dessus dans les dernières semaines. Fait que je vous fais jouer ça, vous allez voir comme c'est intéressant. C'est Marc Gabriel. Que ça commence à faire, là. Il s'appelle Philippe Gouin. On pense qu'on a serré de nous autres, là. Et pour ceux qui ne seraient pas contents, crissez-moi votre camp. Hey, c'est plein de nuances. On veut bien accepter des ethnies, mais non pas à n'importe quel prix. Si tu veux te joindre à notre beau pays, tu devras faire certains compromis. Lorsqu'accueilli dans une place, il faut se j'ai envie de l'écouter au complet, ça ouais, j'aime aussi. Parce qu'on peut dire en revenant, on va parler avec Julien maintenant. C'est bon. Puisque tout tu deviens, on peut maintenant porter le kirpan. Parce que nous autres, on est tolérants. Changer les règles du YMCA, puis un coup parti du CLSC. Nous sommes nous fracturer la raison pour les caprices de chaque religion. Vos accommodements raisonnables, on n'est plus capable. Et maintenant, tant qu'on soit entendu, quand notre culture se fait cracher dessus. Si tu n'es pas content de ton sort, il existe un endroit qu'est l'aéroport. Toi, ma minorité ethnique, arrête un peu ta musique. Sinon, dans ce cas-là, tu devras retourner chez toi. Retourner chez toi. Hey, ça, c'était touchant. Merci bien gros. Bon, merci la police du SPVM. Ben oui, hey, on va revenir se saucer là-dedans un petit peu plus tard. Ça nous permet de s'en aller vers Julien Bernatchez, l'homme sans bon thème. Moi, là. Mon ouais. Dieu. Ah, t'es capable. Oh, là, l'homme chie, c'est fort. Ouais, non, quand même. Fait que, ben donc, oui, j'ai un dossier démystifiant sur Archie. Je voudrais commencer d'abord en disant que, fait véridique, hier soir, je me suis endormi sur mon divan, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que je venais ici pas préparé. Okay. Tu commences à prendre ça un peu trop sérieux. Heureusement que c'est juste un rêve. Hein. Ouais, une chance. Bon, t'es comme 15 dans un auditorium, en tout cas, bon. Fait que c'est ça. Alors, je commencerai par une citation, par une joke pour mettre ça en force. C'est Mademoiselle Grundy qui dit à Moose « Où a été signée la déclaration d'indépendance? Sur un papier. » Oh! Très fort. On ouais. rappelle que Moose a été choisi pour aller à l'université parce qu'il était bon avec une partie de son corps en particulier. Ouais. Oui. C'est son bras? C'est souvent de même. En fait. Bon, non, c'est, en fait, c'est le gras de son corps. Ah, c'est une grosse partie. Ouais. Alors, je voulais ramener Archie à hauteur d'homme. Fait que je pense que, parce que le mythe prend le pas sur la réalité souvent. On prend Archie pour acquis. Puis est-ce qu'on saisit vraiment l'essence de ce fascinant rouquin? Je pose la question. Alors, chez mes parents, on avait à peu près 50 kilos d'Archie. Puis je vais chez mes amis. Puis des fois aussi, tu trouves encore des Archie dans la salle de bain. Qui est d'ailleurs un format idéal pour la toilette quand t'as plus de papier. Mm-hmm. Okay. Puis, mais tu sais, j'ai jamais vu personne pour, aller au couche-tard ou au pharmaprix puis sortir 3,25 de sa poche puis acheter un Archie. Fait que je me suis demandé, mais d'où c'est qu'ils viennent? Puis j'avais demandé à ma mère puis elle m'a répondu qu'ils se reproduisaient entre eux. Fait que, hein? C'est bon, ça. Elle pose dans les choux. Aussi, peut-être. On le sait. Ben, c'est ça. Oui, c'est... C'était tout un malaise quand j'ai demandé à ma mère. Puis mon père voulait pas me l'expliquer. Puis ça aussi, quand j'ai quitté Charny pour aller vivre à Montréal à 20 ans, je m'étais dit que j'allais amener aucun Archie. Puis là, j'ouvre mes boîtes rendues à Montréal, puis il y avait un gros Archie rouge dedans. Avec, c'est ça, tu sais, les reliures à trois numéros, là. Fait que j'ai déduit que les Archies, c'était une forme de virus qui se reproduisait sans fin, puis qui se nourrit du vide, puis qu'on peut arrêter d'aucune manière. un virus qui se présente sous plusieurs visages, publié au Québec et aux éditions Héritage, comme les livres Frissons. Alors, il y a Archie Poche, Jughead Poche, Rion Sailor, qui porte mal à son nom, Betty Véronica Double, Archie Triple, qui laisse plus d'espace aux histoires de la petite Jinx ou de Josie les Poussicat. À noter que Reggie a jamais eu droit à sa publication, donc le crime ne paie pas. en anglais, c'est Archie Comics qui publie tout ça, qui publie aussi étrangement les BD de Sonic le Hérisson, qui pourrait avoir leur chronique eux autres aussi, je pense. Aussi, Archie Comics a poursuivi le groupe punk Jughead Revenge en 99 pour vol de Jughead, j'imagine. Voyons donc. Wow. Ouais, ce qui a forcé la dissolution du groupe. Parce qu'il y avait les Archies, ça c'était cautionné, j'ai dit. Ouais, les Archies, ouais, je me suis commandé. Ben ouais, les Archies, oui. C'est en anglais, même Hot Dog, le chien de Jughead, a eu sa publication, qui a duré moins d'un an. Alors voilà, c'est un certain Bob Montana qui a sévi Archie en 1941. Le personnage aura donc 70 ans l'an prochain et j'attends avec impatience le lot de festivités qui vont en découler. Mais j'imagine 70 ans, c'est thématique. Ouais, c'est relativement rond. Comme j'imagine un parc d'attractions ou une crème glacée ou un jeu vidéo Archie, ça n'a pas encore été fait. J'aimerais savoir ça à la Wii, ça pourrait être intéressant. Oui, surprenant d'ailleurs que ça n'existe pas encore. C'est vrai, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait... La porn Archie doit avoir. La porn Archie, je ne sais pas. Ça oui, ça existe. Ça. Ah, gars, tu vois, je n'ai pas fait de... Je pas fait de recherche. C'est sûr que ça existe. Ouais. Elisabeth à leur pouce. Ils ont fait un E.T. le porn. Ouais, la petite vette aussi. Ben oui, c'est sûr. J'ai vu Seinfeld Alice porn. Alice in Pornoland. Ah, ouais. Seinfeld porn. Seinfeld. Oui, intéressant. Ouais, quand je vous la porterai. Avec Kramer qui rentre tout le temps. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Sans cogner. Exact. Mais en tout cas, il va avoir son timbre en juillet 2010. Juste ça. Alors, malgré ses 69 ans, Archie vit toujours chez ses parents, dans la morose communauté de Riverdale. Il va chez Pop, il chill avec Jughead, Reggie, Moose, Dilton, Chuck, Cheryl Blossom. Moi, j'ai pas à faire trop la mise en contexte, comme avec Bobby Bobette, parce que c'est un univers qu'on connaît bien et qu'on chérit. Un univers très moderne et bien de son temps, qui ne trahit jamais son âge. Je noterai quand même, au fil de mes années de lecture, un assez grand manque de continuité dans l'univers d'Archie. Ben, des fois, il est bon en sport, des fois, il est pas bon, des fois, il est bon à l'école, des fois, non. Des fois, il est ami avec Reggie, des fois, Reggie, c'est son ennemi, fait que ça fait pas très sérieux. D'ailleurs, tout un casse-tête pour quelqu'un qui voudrait rédiger la biographie d'Archie, sans compter sa jeunesse. Ouais. Archie n'a pas seulement sévi sous forme de BD, mais aussi dans d'autres médias, notamment dans plusieurs dessins animés, dont le Archie Show, d'où émane l'insipide Sugar Sugar, qui est probablement le plus gros accomplissement artistique de la série. Il y avait aussi le nouveau Archie, où sont comme genre des ados, puis c'est comme full genre de la merde. Ah oui, avec Véronica, qui a des boucles de d'oreilles en étoiles. Ah oui, c'est exact. Ouais, voilà. Ouais, ouais, dans le temps de Jem, là. Ouais, c'est ça. Jem qui a une influence sur Archie. Il y a aussi Archie, Mystère et compagnie, où ils résoutent des mystères et accomplissent l'exploit d'être moins intéressant que Scooby-Doo. Et la série télé Sabrina la petite sorcière aussi dans lequel le chat Salem il avait vraiment pas l'air vrai. Ouais, c'était une marionnette. Ouais, il avait pas l'air de vrai chat. Non, vraiment pas. Ah, je tombe de haut. Moi. Fait que aussi ben, je sais pas si ça a déjà été mentionné dans l'émission, mais il y a l'inoubliable film Return to Riverdale. Oui. Où les personnages se retrouvent 15 ans plus tard à l'âge adulte. Jughead est rendu papa. Oui, Jughead est elle est rendu super sexy. Qui? La grande Ethel. Ouais, ça c'était tout qu'un punch hein, rendu chicks. Ethel, ouais, c'est vrai. Puis, ouais, c'est ça, Archie s'apprête à se marier, mais il est pas sûr. Puis, Moose et Midge sont chiropraticiens. Puis, sinon, ben, ça, Pop va se faire évincer, mais Archie sauve la situation. Fait que, on garde donc la même qualité pour les intrigues que la BD. Le film devait être un pilote pour une série télé, mais a fini dans une décevante 51e position pour la semaine, derrière la première diffusion télé des Incorruptibles de Palma. Fait qu'ils n'ont pas fait la série. Je noterai aussi que celui qui joue Jughead, Sam Wimple, est mort du cancer à l'âge de 40 ans, fait que j'ai déduit qu'interpréter Jughead porte malheur. En tout cas, tous ceux que je connais qui ont joué Jughead sont morts du cancer à 40 ans. C'est louche. Ouais, ben voilà, il y a une conspiration. La série comprend aussi plusieurs univers parallèles tout aussi inintéressants les uns que les autres. Il y a Archie 1 dans le temps des Hommes des Cavernes, Archie 3000 dans le futur, Archie RC Racer qui sont des histoires de courses d'auto-téléguidées. Archie super-héros et l'indispensable petit Archie pour scraper la continuité bien comme il faut. Puis d'ailleurs, je me disais que, tu sais, je disais ça quand j'étais enfant, puis je me demandais pourquoi il appelait tout le temps le petit Archie, parce que c'était vraiment de présumer qu'il y aurait éventuellement un grand Archie. Puis parce qu'on le sait pas, il peut pogner le tétanos puis mourir, puis il n'aurait jamais eu grand Archie, on le sait pas. Il peut interpréter Jughead dans une pièce à l'école puis pogner le cancer. Ben oui, c'est ouais, ça. C'est... Ouais, voilà. Jamais se rendre. Et ne c'est jamais vrai. Devenir papy Archie. Voilà. Oui. Et mon préféré de tous les univers parallèles, c'est Jughead Police du Temps. Qui Ah, donne-toi une tape, là. C'est que... donne-toi une tape, là. Oui, pardon. Bon, hey. Voilà. Qui se passe au 29e siècle et dans lequel Jughead tombe en amour avec une descendante d'Archie, une certaine Janvier McAndrew. Je trouve que ça en dit long. on se souviendra aussi que Jughead, du temps présent, n'aime pas les femmes. Et notons la première apparition d'un personnage gay aussi dans Archie, Kevin Keller, qui aime, semble-t-il, autant les hamburgers que Jughead. Et j'avais écrit sur Facebook, aujourd'hui j'allais faire un dossier sur Archie, quelqu'un m'avait, M. Christian Thériault, que je salue, m'a écrit une réplique qui en dit long encore une fois sur Jughead. Alors qu'il est sur le point de donner le bouche-à-bouche à Véronica, qui s'est offerte pour l'aider à pratiquer ses cours de secouriste, il se détourne rapidement en criant « C'est contre ma nature ». Carrément. Fait que, d'aider les gens qui ont besoin de bouche à bouche. Ouais, aussi. Voyons donc. Grande cruauté sous cette couronne. Mm-hmm. Sinon, ben, je voulais noter. Ben là, finalement, j'ai appris que vous l'avez déjà mentionné, mais je voulais noter le numéro 600, soit le double des aventures de Bob et Bobette, où Archie, finalement, doit choisir entre Betty et Véronica pour se marier. Et dans les deux numéros suivants, il se marie avec Véronica, il y a des jumeaux. Et dans les deux par la suite, il se marie avec Betty, il y a des jumeaux aussi. Mais finalement, tout ça, ça va être un rêve de la part de Archie. C'était comme Lille, c'était pas où, c'était ouais, quand. C'est ça, voilà. Puis il explique à Betty et Véronica qu'est-ce qui arriverait s'ils se mariaient avec eux. Alors, Puis ça serait la même calisse d'affaires. C'est ouais, c'est ça. Somme toute. Fait qu'il finit avec Midge. Puis Mousse, je te dis qu'il l'a mal pris. Dépression. Mais Dilton a fabriqué un exosquelette à Archie pour qu'il envoie Mousse sur Saturne. Ouais, Chuck a joué au basket. Et voilà. Et je terminerai avec un sondage. Je me demandais ici qui préfère Betty à Véronica. Dans la main, je compte les filles aussi. Personne? J'aime les deux égales comme Archie. Moi, je think outside the box. Moi, c'est Midge, ma préférée. Je sais pas. Mais tu sais, c'est comme Minoui, tu sais. T'as le côté givré puis le côté nature. Tu peux pas vivre sans les deux. C'est vrai. Mais bon, Betty, c'est pas l'étape. Entre choisir entre une blonde superficielle puis une brune superficielle, je suppose que j'y vais avec la brune. Mais la blonde n'est pas superficielle. Non, elle est artiste hippie. Elle avait plus de personnalité un peu que. Ouais, c'est ça. Non, elle fait. Elle accomplissait des choses. Elle était superficielle. C'est une vraie blonde. Elle était superficielle positivement, tandis que Véronica était superficielle négativement. Ouais, voilà. Bon, je peux accepter cette nuance. Ouais. Peut-être que c'est juste Betty avait moins de moyens, fait qu'elle pouvait moins se laisser aller à sa superficialité. Ouais, elle avait moins de linge. Parce qu'il parlait autant de linge les deux. Ouais, ouais. Mais tu sais, Betty, elle pouvait réparer un char, faire la cuisine, puis ça avait des bonnes. Véronica peut payer quelqu'un pour le faire. Voilà, c'est ça. Aussi, mais c'est plus superficiel, justement. Pendant que est plus... Romantiquement. Ouais. Oui. Fait que t'arrives à la fin de ton dossier. Ah ouais, ça finit de même, là. Ben, merci, Julien. Je tiens à dire que t'es mon chroniqueur préféré de 70%. Merci beaucoup, Israël. Je te souhaite bon anniversaire. Ah, ben merci. Mais c'est fudi. Ouais, ben moi, je tiens à dire que c'est pas Israël, mon chroniqueur préféré de 70%. Ah, ben merci beaucoup, Julien. De rien. Alors là, tu vas être obligé de subir le reste. Premièrement, ça va être à Israël. C'est quoi tu nous amènes, là? Je vous amène ma guitare. Parce que c'est la fête à Evelyne. Mm-hmm. Fait que j'y ai comme... composé une chanson. Chose promise, chose due. Ouais. C'est une composé une chanson. Non, c'est comme d'habitude. Ouais, c'est une tradition, là, maintenant. Fait que ça va être... placer les micros, je sais pas, là, genre de même. Ok, cool. Non, comme ça, 1, 2, 3, ça parle de Evelyne et de son anniversaire aujourd'hui. 82, ton année? Ben oui. Deux. OK. Evelyne, c'est ta fête, puis c'est pas mal comme ça à chaque année. C'est ta fête, puis cette année je m'en vais pas l'oublier. C'est ta fête, pour toi j'ai éclairé Linda Lemay. C'est ta fête, puis je t'aime gros. Tu savais-tu que ta fête tombait en même temps que celle que moi? Moi, j'espère que mes affaires vont bien aller. Moi, parce que pour chanter l'amour au quotidien, y'a pas mieux que moi. Moi, est-ce que je suis hot? C'est notre fête. Na, na, na, na. C'est notre fête. Na, na, na, na. C'est notre fête. Na, na, na, na. C'est notre fête en même temps que John Cusack. Puis Mel Brooks, puis Kathy Bates. Puis Kathy Bates, ouais. Puis le gars dans Karate Kid. Ouais, Pat Morita. Oh, quand même. Ben, bonne fête, Evelyne. Bonne fête, Israël, merci. C'est comme presque Jackie Chan. Ouais. Ah ben bravo, merci beaucoup. Tu veux-tu continuer à parler un petit peu de ton dossier? Fais pas dossier. Ben je reviendrai peut-être plus tard. Mais je pense pas aujourd'hui. Je suis trop sur le party. Bon ben on verra. J'ai de la misère à y penser. Ah ouais. Ça gâche. En fait, j'ai pas eu le temps d'écrire mon texte. Ben, je pense d'abord, peut-être que Bruno, tu pourrais nous en lancer nous deux. En lancer deux à la rapide. Là. Ben écoute, en parlant de Twilight, là, 20 minutes. Dans ce qui est probablement un coup de publicité éhonté d'Hollywood, nous apprenons cette semaine que Robert Pattinson, l'acteur qui joue le rôle de... Ah! Edward! Dans la série Twilight, serait généalogiquement relié à Vlad le Troisième, communément appelé Empaleur ou Fils du Dragon ou Dracula. L'inspiration de Bram Stoker pour son roman de zombie très connu. Selon le site très crédible Ancestry.com, on aurait découvert une semaine avant le nouveau film de Twilight que Pattinson et le suzerain roumain, pardon, serait relié par la famille royale britannique. En effet, Vlad le Troisième serait un oncle distant des princes William et Harry, alors que Pattinson, serait leur cousin distant. Wow! On pourrait pas s'en crisser plus. Ah, ici, non, mais débile, ça te rapporte avec les Illuminati, pis tout, là, la pyramide, là, qui familles. Voit tout, là. Les 12 familles. C'est les 12 familles. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis, le mal rôde, hein. Et puis, on va continuer. Michel Perino de Newport Richey, en Floride, a été accusé d'avoir allumé un feu sur son lieu de travail jeudi dernier. La femme de 40 ans souhaitait rentrer à la maison plus tôt sans perdre son salaire. Elle aurait alors décidé de mettre le feu à un classeur afin que le bureau soit évacué. Lors d'une discussion avec une collègue, elle aurait mentionné que le feu avait commencé dans un classeur avant que les employés aient été mis au courant de l'origine du sinistre. Les enquêteurs ont fait 1+1 et elle a confessé son crime. Elle a été condamnée à 9 mois de prison et 5 ans de probation. Hein? Voilà. Eh ben. Fait que, hey, c'est. Puis elle a perdu sa job aussi. Là. C'est BS comme attitude. Voyons donc, coupe-toi un doigt à la place. Oui, tellement. Hey, voyons donc. Ah ben, merci beaucoup, Bruno. Plaisir. Ça va nous amener à tranquillement, pas vite, une petite page de publicité. Là. Puis après ça, David Sedd, comment t'as senti? Ça te tente de faire ton petit dossier? Ah oui, c'est parce qu'on s'en fout un peu moins cette semaine. Et voilà. Bon, ben, je fais notre petite page de publicité. Là, ça dure pas longtemps. Là. Je l'aime bien, gros. Bits and bits and bits. I long for my kibbles. I long for my bits. For my kibbles and bits and bits and bits. I long and I long for my kibbles and bits and bits and bits. Kibbles and bits and bits and bits. More crunchy bits, more chewy bits. More different kinds of bits than any leading dry dog food. Oh, how I long for more kibbles and bits and bits and bits. So long. Ooh, so long. Kibbles and bits. And bits c'est comme and bits. Plein de différentes sortes de bits. Hey boy. Hey, David Sedd, on s'en fout. That's right. That's right. Bon, ben bonjour. Cette semaine, j'ai choisi un sujet un peu plus lourd, mais en même temps, c'est quand même assez douteux. On va parler des gens qui sont racistes. Je sais que... Comme les hosties d'arabes. Ben oui, entre autres. Entre autres. Est-ce que les autres veulent rien savoir de personne? Hein? Moi, je suis plus capable. Donc, on est vraiment plus que les Italiens. Ben, on n'est même pas rendu dans les couleurs, là. Ouais, c'est, écoute, mais... c'est quand même assez intense. Bon, ben, les bruns, là, les moricots. OK, évidemment, bon, tout le monde a sa petite idée du racisme. Ça va de la simple insulte sur les couleurs de la peau, l'homophobie, bon, tout ça, jusqu'à ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ça peut être assez lourd. On parle de quelque chose, une ignorance motivée par la peur de l'autre, le chômage, la pauvreté dans certains quartiers, tout ça. Toutes ces sources de haine-là là, qui ont t'sais, la facilité finalement de blâmer ça sur les autres. Ceci dit, bon, ça se retrouve dans le football également. Je vais vous dévoiler la nature du footballistique, mais avant de faire ça, avant de vous montrer comment on peut être capable d'être méchant envers les autres, juste définir deux petits concepts. D'abord, le premier, c'est sur la politique. Bon, en Europe, tout le monde sait ce qui se passe. On va parler de l'Union européenne, une communauté de pays qui ont décidé de faire équipe ensemble, faire un peu plus de place, faire équipe, bon, faire de la place pour la paix, la démocratie, fusionner leur politique intérieure, tout ça, en établissant une zone économique, une monnaie commune, éventuellement. 27 pays européens, 16 qui deal avec l'euro cash. Avec la disparition, donc, des frontières économiques, ce qu'on s'est mis à observer, c'est un déplacement de masse. Bon, les ressources humaines, les gens, principalement d'Europe de l'Est, qui se sauvent de leurs conditions actuelles pour embrasser le rêve européen, possiblement trouver un emploi. Résultat, malheureusement, bon, je pense que nos auditeurs de chez douteux.org sont à même de le constater dans les différents médias qu'ils consultent. Certains pays, on parle de l'Italie, Pays-Bas, Danemark, France, Belgique, Suisse, se sont réfugiés derrière des formations politiques d'extrême droite. Donc ça, c'est le premier début. Le deuxième concept que j'aimerais établir, c'est au niveau des stades. Ici, contrairement aux équipes de sport nord-américaines, dans le football, ou le soccer ici, les stades appartiennent souvent à la ville ou, dans certains cas, aux partisans eux-mêmes. Okay? Je prends l'exemple des Socios au Real de Madrid ou à Barcelone. C'est-à-dire que quand t'es membre, quand t'as un billet de saison, t'es actionnaire du club, OK? Les actionnaires donc prennent des décisions, votent pour le choix du président, gèrent ou perdent le club. Je donne un exemple pour les gens, pour qu'ils comprennent ici. C'est comme si moi, j'avais un billet de saison pour les Canadiens. Puis là, j'entends dire que Bob Gainey va échanger à LAC. Ben, à session extraordinaire du conseil d'administration, je dis à Bob Gainey, « Get the fuck up! » Puis c'est lui qui perd sa job. C'est pas beau, ça? Eh oui, c'est ça. Je veux dire, au soccer, c'est comme ça que ça se passe. Les stades, aussi, une affaire qui est assez particulière, c'est que c'est divisé en deux. C'est-à-dire, t'as les côtés latéraux, hein, qu'on appelle les tribunes, t'as les virages, donc les deux extrémités. Dans la plupart, la vaste majorité des stades en Europe, les virages, c'est-à-dire la gestion des sièges des virages sont donnés à des groupes, OK? C'est-à-dire, ils s'occupent de la section du stade au complet. C'est-à-dire, moi, je suis propriétaire du stade, je dis à Bruno, je te donne 11 000 billets, tu t'arranges avec, moi, j'en ai rien à... Basta, j'en ai rien à foutre, faut que je m'occupe de mon club, tout ça. Pourquoi Bruno? Parce que Bruno, ça sonne européen. C'est ça. Moi, je suis capable. Non, mais 11 000 billets, il y a un pet. Ouais, voilà. Ben, je vulgarise, là, je vulgarise. Bon, les groupes, c'est ceux qu'on appelle les COP, là, K-O-P, là, vous irez googler ça, les ultras, les boys, tout ça. Eux gèrent la vente des billets, OK? Ils s'occupent des fans, ils organisent des déplacements des supporters dans les autres villes. C'est eux qui créent les fameux chants qu'on entend, c'est eux qui mettent le feu dans les stades, comme on voit les images un peu spectaculaires du soccer. C'est eux qui sont finalement à l'origine de l'ambiance. Par contre, plusieurs d'entre eux sont des groupes qu'on dit radicaux, comme on dit là en Angleterre, les fameux hooligans. Puis c'est là que je veux en venir. Ces groupes-là de radicaux, avec la montée du racisme, avec tout ça, ont fait des gestes qui sont politiquement et sportivement très embarrassants, limite douteux. Puis ça m'a amené à la question, pourquoi tu payes 80$ pour aller dans un stade, dans une équipe que t'aimes, puis t'arranger pour que ton pays, ce soit la risée du monde entier? Ouais. Sur ça, je vais vous passer une petite photo pendant que je donne mes 8 petits exemples. C'est assez impressionnant. Ça, c'est l'image. Ça, c'est mon 8e exemple. Mon 7e exemple, ça va être vers la fin. Ça a commencé, les 8 que j'ai rassemblés, c'est vraiment ceux qui ont fait parler d'eux, là, big time. 98, on commence loin, mais on va finir aujourd'hui. Les fans du Lazio à Rome brûlent un mannequin, OK? Déroulent une banderole devant tout le monde, qui s'écrit « Auschwitz is your home », à l'intention du propriétaire de l'équipe, qui est israélien, parce qu'il avait l'intention d'engager un joueur noir. Ah, voilà. Je vais faire un petit lien avec nos fans de hockey. C'est comme si j'allais au Centre Bell, je déployais ma pancarte, Gillette, Tested American Motherfucker, puis là, tu sais, etc., etc. C'est assez hardcore. En brûlant un mannequin. En brûlant un mannequin. En avril 2005, l'Inter joue contre Messina, toujours en Italie. Marco Zoro, défenseur d'origine ivoirienne de Messina, touche à la balle pour la première fois, entend des bruits de singes, un virage complet. On parle d'environ 12 à 15 000 personnes, crient « merde noire » ou « black shit » en anglais, puisqu'on veut s'assurer qu'ils comprennent, hein, l'anglais étant la langue universelle. Donc, à répétition, pendant une quinzaine de minutes, répète « merde noire », jusqu'à temps que le joueur se dirige vers les partisans, fait un doigt d'honneur, obtient un carton rouge et c'est lui qui est expulsé. Oh yeah! C'est quand même pas prêt. Mais c'est ça qui arrive quand tu laisses Bruno gérer avant des billets. C'est ça. Je l'avais dit. En novembre 2001, à Treviso, les fans de l'équipe à domicile, U au malade, qui est un joueur nigérian, qui est appelé en remplacement. Dans ce cas précis, par contre, ce qui est intéressant, c'est que le match d'après, tous les joueurs de Treviso se sont peints le visage en noir quand ils ont joué l'équipe d'après pour que les fans, hein, vous voulez crier après nous, vous savez plus après qui. Ah, bonne idée. Là, c'est pas pire, ouais. C'est la seule bonne idée que j'ai trouvée dans ces cas-là, malheureusement. En avril 2009, Mario Balotelli, je t'en avais parlé un petit peu, Tommy, qui est né en Italie. De parents ghanéens, il a été adopté par une famille italienne, super bon joueur, il y a 20 ans aujourd'hui. Les fans, pour une raison mystérieuse, se sont mis à chanter « If you jump up and down, then Balotelli dies ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Finalement, la Juve, les fans de l'équipe qui ont crié ça, ben, l'équipe s'est faite punir en étant obligée de faire un match devant personne. C'est-à-dire qu'ils ont joué stade vide, moins de rentrée d'argent et tout. Mais les fans, pour se venger, ils ont continué à... chants sur ce joueur-là, même quand il ne jouait pas. C'est-à-dire même quand il jouait contre d'autres équipes en Italie, ce qui était un petit peu contradictoire. Oui, c'est ça. Oui. Boukhabar Kébé, un joueur de Libourne Saint-Sévin en Corse, joue un match de Ligue 2 contre Bastia en octobre 2007. Ça fait un petit moment que Bastia fait parler d'elle pour des raisons de racisme toujours affichées par ses fans. Lorsque Kébé touche le ballon, deux banderoles de 15 mètres s'ouvrent dans les gradins. La première disant « On n'est pas raciste ». C'est bien précisé ça d'abord. Et la deuxième étant la preuve « On t'encule ». c'est un petit peu limite. Ça prouve qu'ils sont pas homophobes. C'est le consensus qui est beau autour de ça. Et voilà. Le 12 mars 2008, un match de la Coupe UEFA, l'équipe de Marseille s'en va à Zénith contre le Zénith de Saint-Pétersbourg en Russie. Ronald Zubar, joueur marseillais d'origine africaine, entend des cris de singe. Quand il s'approche des stands, il reçoit des pleurs de bananes. Quand on lui lance. Tommy, toi, quand tu vas au hockey, est-ce que tu amènes des pleurs de bananes? Est-ce que tu amènes des pleurs tout court? J'amène pas grand-chose à garocher. Moi, quand j'allais au baseball avant, j'amenais des barres au Henry. Ah. Mais tu jetais la pleure. Lancé à Henry, ben oui. On a le 29 mars 2008, pas très très loin, le match à Coupe de la Ligue. Celui-là, c'est celui que je vous ai montré. Le PSG joue contre Lens, qui est une équipe au nord de la France. Il y a une bannière de 85 mètres qui est déployée. Je me demande combien ça vaut, ça, en impérial monétaire. On peut y lire « Pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les ch'tis », faisant évidemment allusion au film qui était populaire à l'époque, puis le fait que les Lensois sont des ch'tis. Comprends? Des pédophiles. Des pédophiles chômeurs. Ben oui, c'est comme si... je sais pas comment on pourrait traduire ça au hockey, mais... Tout le monde qui vient de l'Abitibi, c'est tous des pédophiles, c'est des ça. Chômeurs, puis des pas bons. Puis des consanguins. Et voilà. Ben, c'est un peu vrai, ça, par exemple. C'est pas le Lac Saint-Jean? À la Corbeil! Puis le plus beau, ça, je l'ai trouvé pour toi, Tommy, parce que je trouve qu'il y a une petite subtilité, je veux dire, un petit côté d'artiste avec deux S. Le 28 mars 2009, l'équipe de France affronte la Lituanie en Lituanie. Qualification de la Coupe du Monde qui a servi à rien finalement. Là. Bouh les bleus! à la fin de l'hymne national française au début du match, un groupe de supporters lituaniens déroule encore une fois une banderole là, qui fait environ une vingtaine de rangées de balles. Et c'est la forme du continent africain avec les couleurs du drapeau de France à l'intérieur. Et c'est décrit en français « Bienvenue en Europe, de toute beauté ». Ouais, voilà. Hey, ben merci beaucoup. Ça clôt ça, mais c'est comme quoi les joueurs de soccer, c'est des êtres humains et puis ils sont racistes. Ils se sont même fait lancer des briques par la tête aussi. Là. C'est l'équipe égyptienne? Là. Ben, en fait, des Égyptiens qui avaient lancé des briques sur le boss algérien. Absolument, là. Absolument. Ça, c'est assez intelligent. Puis ils ont joué le match revanche dans un pays tiers. Ben là, c'est sûr. Pas pire. Parce que le monde, c'est pas des adultes, c'est pas des enfants. Avez-vous vu sur YouTube, là, ces temps-ci, là, il y a un petit, sur n'importe quelle vidéo. Tu peux mettre le vuvuzela. Ouais, il y a un petit compte de ballon de soccer. Puis tu pèses dessus, t'as des vuvuzela qui vont aller par-dessus ton vidéo pour te taper ses nerfs le plus possible. On a un bon exemple. OK. Bon, ben, c'est ça un petit peu. Moi, j'aimais mieux le Benny Hill et Fire. Comme Fred, j'ai pas là, j'ai plugué ici une petite toune que c'est lui qui a faite, puis ça a tellement rapport parce que c'est mon premier Noël en tant que femme de son album de Noël, Do They Know When It's Christmas. Voilà, c'est Fred qui est pas avec nous, puis on revient après pour des nouvelles, puis le reste, là. Merci. Hey, d'ailleurs, David, sans toi, je pense que j'aurais même pas été au courant que c'était la Coupe du Monde. Je suis pas mal fier de moi cette année, ça a bien été. Et voilà. Bon, ben, on est à 70%, on écoute mon premier Noël en tant que femme, puis on revient tantôt. C'est sûr. Merci, David. Vous êtes tous tellement beaux. Depuis que je suis tout petit, je me sens prisonnier d'un corps étranger. C'est la période de l'année les rêves enfin se réalisent. Fini la désillusion, la confusion génitale. Depuis mon opération, j'ai changé mon nom pour Suzette. Suzette. En talons sous le sapin, ce sera le plus pour des Noëls. Il neige sur ma féminité. Je me fous bien des grâce à mes précieuses hormones, mes seins sont en pleine floraison. J'ai eu mes premiers écoulements aux couleurs du Père Noël. J'ai mis la plus belle robe de maman que je portais en cachette lorsque j'étais enfant. J'aurai enfin les cadeaux dont je rêve, un kit pour faire des muffins, ma première Barbie. Je pourrai enfin embrasser mes cousins sous le gui. Il neige sur ma féminité, je me fous bien des préjugés. Je suis si bien dans ma peau, car c'est mon premier Noël en tant que femme. Enfin je m'épanouis, je me sens si belle. Il ne me reste qu'à tout rire, mais l'homme du château gay qui m'aimera pour qui je suis, une femme. Bonjour, vous êtes à l'émission 70%, la meilleure émission de Choc FM. C'est quoi ton nom? Audrey Metcalf. Bon. OK. Faut que je chante ton indicatif, c'est ça qui se passe, là? Ouais. Vous écoutez Tien Champion, qui fait une tune country à 70%. Il aime pas bien ça, être ici, il sent mal, il sue un peu des ponts, il sue un peu des ponts, il est à 70%, 70%. Je suis fier de vous autres parce que c'est celle qui a ressorti le mieux. On l'avait pratiqué toute la fin de semaine. Ça. Ben, c'est vraiment beau. Bon travail. Oui, oui. Une des dernières fois que j'avais lu du Normand Lamour, on avait appris qu'il avait fait un film là, avec des enfants, des acteurs. Puis, fait que là, c'est ça, il en parle encore un petit peu. Alors, début de la page 68, que je trouve Je tenais le petit dépanneur à cette époque-là. Et puis, il n'y avait pas de gros supermarché qui s'était installé dans ma région. Alors, par les soirs, j'avais un peu PEUT. J'avais un peu de moments libres. J'avais étiqueté les boîtes de canage. J'avais encore les doigts remplis d'encre pour écrire les prix. Je devais... Ouais, c'est compliqué. Pour écrire les prix, je devais tourner une petite roue de métal. Et avec tout cela, cette petite patente-là me beurrait les doigts d'encre, de chine. Je m'assoyais tout près de la fournaise à l'huile qui chauffait le dépanneur. Quand ils arrivaient, des grosses rafales de vent, ça refoulait dans le tuyau de la fournaise. Et la petite palette en arrière du tuyau se faisait secouer par le vent. Ceci régularisait le feu dans la fournaise. Alors, je reviens à mon film. Alors, je reviens à mon film. J'étais heureux parce que je pouvais faire le nécessaire pour placer la caméra, pour obtenir une belle image avec ma caméra, c'est-à-dire prendre une prise de vue. La prendre de loin et la rapprocher à volonté. Comme je le désirais. C'est vraiment hot. Il y avait un zoom qui pouvait rapprocher jusqu'à 50 fois. Il me faisait penser à la paire de jumelles que j'avais eues quelques années auparavant et qui avait un zoom qui pouvait rapprocher de 50 pieds. Qui grossissait 50 fois. C'est la même chose, hein? Ce que je regardais dedans, c'était une 7 Astérix 50. C'était une 7 50, cette jumelle-là. J'en vendais dans mon magasin. Il y avait aussi les 7 35 et puis la 10 50. Celle-là, je la trouvais étourdissante. Il fallait regarder quelque chose de plus fixe avec. La 7 35 était parfaite pour les courses de chevaux, la chasse, etc. Alors, encore perdu dans le champ de la jumelle... Je reviens à la caméra pour faire des vues. Il y avait dessus quelque chose de pas mal spécial. Il y avait un macro. Oh. Ceci permettait de photographier quelque chose de très petit. Okay. Et de cette manière, je pouvais grossir des choses de 1 pouce de haut. Et quand je projetais le tout sur l'écran, on aurait pensé que la chose était géante. Ben, je me suis ça. Dit... Hein? Non, c'est bon. Ouais. Je me suis dit, maintenant, tu dois trouver tes acteurs et tes actrices. À ce temps que tu sais faire ça. Le tour est joué, est-ce que tu veux les acteurs? Demande-les-leur s'ils veulent tourner dans ton film. Tourner dans ton film. C'est étourdissant comme film. Viens-tu tourner une petite heure avec moi? Peux-tu tourner un peu plus vite? Dis-leur que c'est juste pour s'amuser. C'est tellement le fun de tourner. Ça engage à rien. Tout le monde aime ça, tourner. Parle pour parler, là. Alors, il y en avait une un peu plus dégourdie que les autres. Ouais, elle tournait plus vite. C'est ça. Mais elle était ronde, elle tournait mieux surtout. Ah, voilà. Alors, je lui ai demandé de me trouver de ses amis et amies. Que ça allait me prendre 13 acteurs dans mon film. 13? Que ce serait une comédie. J'ai commencé à écrire le scénario. C'était une petite fille, appelons-la X. Oui, tu sais, parce qu'on peut pas non plus que le personnage se reconnaisse. Moi, je pense que ça clôt un peu la trinité de Madame X. Mais merci beaucoup. Mais, ouais, c'est pas mal tout, là, dans le fond. Elle s'appelait X. Un excellent beat en background, à part de ça. C'est-tu Normal Amour? Normal Amour, ouais, spécial DJ. Remix. Il a sorti un petit album spécial DJ. Ouais, ben, il y avait deux tonnes remix, puis le reste des bouts à capella. Exact, pour faire tes propres remix. Ouais, c'est plus ça. Fort. Fort, madame. C'est lui qui a fait ça, là. C'est lui qui a fait les remix. Mais c'était officiel, là. Ouais, il était, c'est super il était d'accord avec ça. Là, on écoute Yala, je sais pas, entre parenthèses, la poignée de pas, entre parenthèses, dance. Version drum and bass. En tout cas, merci beaucoup, Evelyne. Ça fait tout le temps plaisir d'entendre du Normal Amour. Ben oui, c'est, moi, j'aime ça. On comprend son univers tranquillement. Ouais. Ben, on a hâte de voir ses films aussi, surtout. Là. Ah, ouais, si c'est trouvable. En 3D, il y a Karine qui est là. Sorel. Ouais. Ben non, mais Karine, les auteurs, c'est toi qui disais ça. Elle a-tu les DVD, ça se peut? Bon, j'ai entendu quelqu'un dire qu'on les avait. En tout cas, on va y revenir. Ben ouais, ouais. Mais là, sinon, on part en voyage, là. Sorel. Pas sinon, c'est vrai. Moi, j'ai une nouvelle. Au mois de septembre prochain, douteux.org a été invité par le Festival du cinéma underground de Val-d'Or à aller faire des présentations. Puis comme l'organisateur, je le connais par la bande parce que c'est un ami de mon frère, ben il s'est arrangé pour nous donner accès aux banques de données de Radio Nord. Puis Radio Nord en Abitibi, c'est eux autres qui font toutes les publicités. Et puis ça a été aussi les SEUS qui étaient responsables de la télé communautaire. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on va pouvoir trouver la grosse couche à soir. C'est ça. Puis on va pouvoir trouver demain matin la soeur matin. On va pouvoir trouver toutes sortes d'affaires indispensables. Veillette et Johnson, Veillette et Johnson, quelle force de frappe! Étienne, oui. À part de Normal Amour, il y a une autre affaire de fun. C'est le fun, même. Fait que ça, tu parles de septembre, là, septembre prochain, Normal Amour, le 6 septembre, va avoir 80 ans, qu'on se le dise. Oh! Tu vas faire de quoi? Non, ben, c'est ta fête. Ouais, tu vas y faire sa numérologie puis tu vas y faire une chanson? Ouais. Parfait. OK, c'est un deal. Il est très inoffensif. Ouais. Fait qu'on parlait de Madame X encore, ça revient souvent à ce sujet, là, grâce à la comédienne X qui tournait dans son film à Normand. Ben, moi, j'ai une toune de Jacques Desrosiers, alias Patoff, mais avant d'être Patoff, il était juste Jacques Desrosiers. Puis il a fait une toune qui s'appelle tout simplement Censuré. Puis c'est un peu sous le même patron que Madame X. Vous allez voir. Il n'y a pas des bonnes jokes, toujours? Il y a plein de bonnes jokes. Pour vrai? Petite musique entre ça. Arthur, ta femme, là, elle porte pas de pantalon. Qu'est-ce que t'as dit ça, toi? Mon petit doigt. Oh, c'est bon comme job, c'est bon. Docteur, avez-vous quelque chose pour faire pousser le poil sur mon chihuahua? Mais d'abord, mademoiselle, commencez donc à arrêter de faire du bicycle. Attends, j'ai pas catché. C'est parce que quand tu fais du bicycle, ça frotte. Ouais. Vous serait rien arrivé ces derniers temps. À moi, docteur? Rien? Que voulez-vous dire? Ben, il y a 3 mois environ. Ah oui, j'y suis. J'ai failli me noyer. Et alors? Alors, il y a un gars qui m'a ramené sur la plage. Mais pourquoi vous me demandez ça, docteur? Parce que, mademoiselle, vous êtes enceinte. Ah, quel salaud! Je croyais qu'il me faisait la respiration artificielle. Oh, malaise. C'est des bonnes blagues. Pas tough, voyons. C'était avant qu'il soit un clown reconnu. Ouais, on avait c'est ça. Pas tough. Ouais. Extrait de l'album Comédie Twistée. Ginette Ravel. Elle va tout tuer son fan club. Ginette Ravel, c'est une chanteuse poche qui était alcoolique. Nous interrompons momentanément ce disque pour vous transmettre un message que nous avons reçu à l'instant. Une jeune femme a été trouvée morte et violée. La police est sur les lieux et recherche activement l'arme du crime. Hey, c'était comme la pénis. Joke de viol, c'est magique. C'est bon, hein? Je l'arrête là. Le refrain, il est pas très c'est long. Des bases, il y a pas vraiment de refrain, c'est ça. C'est vraiment juste comme de la petite musique qui baisse. Fait que c'est moins bon que Madame X, quand même. Mais, c'est plus troublé. Mais il y a plus de malaise, oui, c'est ça. Le refrain est moins long. Il est devenu clown, éventuellement. Oui, il est devenu clown pour les enfants. Ah, hein, Dieu, c'est mais il faisait pas juste des affaires de même. Ça s'appelait Censuré, puis c'est pas pour rien. Mais il y a d'autres bonnes tunes sur le même album. Il y a son classique, La machine à laver. Oh, yes. C'est comme j'ai la machine à danser. J'ai pas fini de twister. J'suis mal pris, y'a personne à l'entour pour venir me porter secours. Madame Saint-Ange, vous alliez pas un petit peu de savon? Envoyez donc juste un petit peu. Me t'as pris ta machine à laver, et moi j'ai pas fini de twister. Hier soir, pour mon rendez-vous, cédulé pour 7h30, j'avais pas de linge assez net à mon goût pour affronter mes nouvelles amies. Je me déshabille près de la machine à laver, sans savoir comment la faire marcher. Je mets le linge dedans, je tourne le bouton. Aïe aïe maman, mais c'est un ouragan! Ça serait plus supposé être une tornade qu'un ouragan, hein, techniquement parlant. Ouais. Fait que ouais. C'est l'histoire de Jacques qui tombe dans la laveuse en essayant de faire du lavage, puis qui reste pogné dedans, puis qui compose cette chanson-là en mais tournant. C'est pas drôle! C'est une victime. C'est pas une bonne idée. C'est très drôle, voyons. C'est marqué Comédie Twistée sur le titre, sur la pochette. C'est nécessairement drôle. Sinon, à part de ça, on délaisse Jacques, je reviendrai éventuellement. Je vais pas en mettre ben trop d'un assez coup. Vite, ouais. Ouais, il y a d'autres affaires, là, mais. En tout cas, tu sais, je sors pas tous mes gros canons d'une shot. Mais là, une autre affaire qui est arrivée. Tout le monde connaît le super vidéo de Edward Hill, Trollolo, le fameux Trollolo. Oui. Donc, évidemment, il fallait un jour qu'il y ait des dance mix de cette chanson-là qui se fasse. Yes. Puis j'en ai trouvé un pas pire de Bob Rovski. Fait que je vous passe ça. Ça, c'est de la belle métacochonnerie à son meilleur. C'est vraiment remotely. Ah, ben attends, ça va. C'est le début, là. Ça part lentement. Peux-tu sortir ma carte de droit que c'est ma fête que je suis capable? Ouais, c'est bon. Je sors ma carte de droit que c'est ma fête. Fait que moi, j'aimerais juste dire que Elisabeth trouve ça tellement plate, ta chronique, qu'elle est en train de faire du ménage dans son portefeuille. Ouais, oui. Ouais, puis que je l'aide avec passion en ce moment. C'est pas pour en rajouter, mais pendant tes nouvelles, elle est en train de se faire les ongles tantôt. Ouais. Je pense que c'est toute l'émission que c'est la dernière plate, fois même. Que je l'invite. C'est quelque chose de... Parce que j'ai pas pensais à quelque chose, puis je le cherche. C'est ça que je fais. Je travaille pour. T'en pars? Bien paraître à côté de toi. Ah, c'est bon, quand tu te faisais les ongles. Non, mais ça aussi, c'est pour bien paraître. Ça aussi, c'est pour bien paraître, oui. Tu vois, c'est toute ta faute. Sauf. Allez, vas-y, man. Mais okay. une autre. Mais il me reste combien de temps là-dessus? Je peux voir. Ah, il te reste un bon 12 minutes. Ouais, c'est moi qui fais ça. Je finis. OK. J'ai trouvé une toune de Fernand Gignac qui m'a déstabilisé. Fernand Gignac, il a tout le temps fait, grosso modo, la même affaire. Toutes les tounes se ressemblent. Il fait son petit chanteur, crooner, pour personne âgée, avec son petit trémolo dans la voix. Puis il est toujours là, propre et correct et bien mis. Puis là, il y a la chanson « Trop jeune », où tout à coup, il claque des doigts, il dit « Oh yeah », puis il fait « Rum », puis il a l'air comme sexy, sensuel, en grognant comme ça sa passion. C'est incroyable. Fait que je partage ça. En même temps que Tommy Godette, ça fait. C'est vrai. Je voudrais monter mon son. Oui, c'est vrai, Fernand. Fernie. Trop jeune encore pour vivre à deux. Oh. Yeah. Oh. Trop jeune. Alors, pour être heureux. Je t'aime à cœur. C'est sûr, c'est subtil, mais par rapport à Fernand, là, moi, je trouve que t'as une grosse marge. Ah oui, c'est pas ce qui nous a habitués. Non. Pourtant, chacun prétend qu'on a le temps. C'est ça, c'est pas exemple. On dit ça, ça va. Qu'un bonheur absolu. Ah, je viens, voyons. On est transporté. Mais ça, c'était à ses débuts. Il n'avait pas encore trouvé sa voie, en fait. Il essayait des affaires. Là, il y a genre 70 ans, à peu près. Là. Il avait 60 ans à cette période-là. Là. Ah, c'est comme, ça, okay. Comme tout au long de sa carrière. Ouais. Fait que voilà. Ça, c'est trop jeune de Fernand Gignac. Ouais. Voilà. Ça fit. Oui, ça fit vraiment bien. Hey, avant d'en mettre une autre, tu me permets de mettre un petit extrait du film. Ben, ça dure, il dure à peu près une minute et quelques parce qu'il me reste deux, trois petits extraits à vous faire écouter qui sont vraiment savoureux. Ben oui, là, on était à quoi? On était à 20 minutes 30. Puis vous vous rappelez, là, c'est... Il n'y a pas grand-chose. C'est, en fait, c'est après le montage d'entraînement. OK. Là, il est entraîné. Ah! Ah non, c'est avant. Excusez. Non, ben là, je suis perdu. Êtes-vous un homme? Vous êtes un fantôme, hein? Si j'en étais un, je ne serais pas là en train de manger la nourriture de tes cochons. Mais comment êtes-vous arrivé ici dans cet état? Je ne le sais pas moi-même. Mais si je ne meurs pas, ce sera un miracle. Dites, vous avez les deux bras coupés. Comment espérez-vous gagner votre vie? Eh bien, je... Je dois vivre quand même. C'est tellement vrai. Ouais. Il va vous falloir de la patience et du courage. Et voilà. Il pourrait devenir chanteur de rock'n'roll. Après ça, ça part dans le montage d'entraînement. Ils nous font ça à la traditionnelle. Ils s'en vont s'occuper d'un chant. J'ai un petit 20 secondes que je trouvais vraiment indispensable ici de quotient pur. Hein. C'est très bien. Je t'engage. Alors, dis-moi ton prix. Le maximum. Ah, il n'y a jamais personne qui a pensé à demander ça. En impérial monétaire, tout Israël. Tout le monde rit, c'est super drôle. M'a de prendre le maximum. Non, mais c'est l'art de négocier. Hey, ça veut dire que tu commences haut. Ouais. C'est bon, maximum divisé par deux. Là, ah ben, ça veut dire que peut-être que tu peux nous en partir une autre. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Sinon, c'est Israël qui nous parle de l'impérial monétaire. Ouais, sinon, moi, j'aimerais ça en savoir sinon, plus. Sinon, on fait un mélange des deux, t'en pars une, puis je la laisse en background. Ah, on peut faire ça. OK, je vais partir. J'ose pas 5 $ en loupe de 10 minutes, là. Non, non, je ne me rendrai pas jusque-là. Non, je vais partir Michel Louvain, qui nous chante « Reine des vents ». Et puis ça, c'est une traduction très libre de « Ruby Tuesday » des Rolling Stones. Mm. Voilà. C'est beau, la liberté. Donc, oui. Si 12 pouces égale 5 $ moi, là, dans ma tête... Ça a cliqué, là. Tu sais, j'étais vraiment sous le choc, fait que je me suis dit que un pouce, c'est comme 48 cents. Puis là, j'ai décidé de mesurer ma graine, tu sais. Là, j'étais à peu près à 2,35, tu sais. Fait que là, ça a vraiment cliqué, fait que j'ai inventé un système qui devrait être dans toutes les bouches d'ici 3 ans. C'est l'impérial monétaire, ça s'appelle. On va compter les distances maintenant en dollars. J'ai fait de la Terre à la Lune, puis c'est à peu près, je dirais, voyons, c'est plus que 3 millions, mettons. Je ne me souviens plus, je l'écris sur mon Facebook pour ceux qui sont mes amis. Ouais, on peut aller voir ça. Puis, ouais, c'est très complexe un peu. Ben, l'impérial monétaire ne marche pas tout le temps. Mettons, en taxi, tu le veux pas, tu sais. Ouais, fait qu'il faudrait qu'il y ait des restrictions pour ça, mais je pense que je vais avoir le prix Nobel. Là, je te préfère breveter mon tape à mesurer en impérial monétaire. Ouais. Ouais, c'est pas pire. Fait que 12 pouces. 5 $. Puis moi, je pensais aussi les petits Wilfrid Laurier, là, les billets bleus, ça va devenir des 12 pouces. T'sais. Fait qu'une verge, c'est 15$. Ouais. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Israël. Tu nous tiendras au courant. Ouais, des développements, là. Je pense, en fait, j'ai fait une règle à la maison, puis ça va être au prochain enquête douteux pour sûr, là. La règle en impérial monétaire. Est-ce que tu veux remercier Jared? Non, c'est pas de sa faute à lui, non. Là, je suis sur ton Facebook, là, puis je confirme, Israël, que la Terre à la Lune, ça nous donne 6 534 800 000 $. Ouais. Voilà. Et en dollars. C'est assez cher. Bonjour, bienvenue à 70%. Ouais, c'est Brett. Mais arrête de me déranger, c'est en train de déménager, là. Tu n'as pas de temps à parler. Ciao. On le reconnaît bien, là. Ça veut dire que ça a l'air de bien aller. Ouais, ouais. Ça, c'était quelqu'un qui voulait me dire pas le faire. Oh, non, je peux prendre ça pour acquis, là. Ouais. Hey, à part le Michel Louvain, t'as-tu une autre petite affaire, toi? Hey, puis Michel Louvain se termine exactement là en même temps. C'est beau, ça. Hey, c'est beau, ça. Mais en un autre, puis après ça, on va faire des nouvelles. Ouais, c'est bon. Ouais, OK, ouais. Mais j'ai du Steve Fizet, qui nous chantait l'hiver en skidoo, puis l'été en Camaro. Ben, il nous chante également les Laurentides, pour tous ceux qui se louent des chalets dans ce coin-là. Ouais. Dans un coin perdu des Laurentides, un beau jour, irons-nous finir de vivre nos amours. C'est un genre retour à la nature. Je t'apprendrai comment lancer l'hameçon. Vas-tu empiler des nouvelles là-dessus ou je pense que ça va être plus potable? Il me semble bien ça dans l'Est. Ouais, c'est pas facile. Seuls tous les deux, on vivrait comme des sauvages. Dans les Laurentides. Bruno, c'est des affaires différentes, je pense qu'ils sont réconciliés. On va mettre ses fils en background et on va en apprendre sur le monde. Oui. Alors, sonore de mes jours doux. Cathy Myers, une femme de 41 ans du Michigan, sans emploi et sans assurance santé, avait subi une blessure à l'épaule après que son labrador ait tiré sur la laisse pendant une dispute avec un chihuahua. La blessure extrêmement douloureuse a poussé Myers à se tirer une balle dans la même épaule, espérant que les médecins soignent son ligament étiré en même temps que sa blessure par balle. Les médecins étant obligés de soigner les blessures par balle, même pour une personne non assurée. Malheureusement pour elle, les médecins ont seulement retiré la balle et l'ont envoyée chez elle avec une prescription pour des anti-inflammatoires. La femme qui souffre encore plus maintenant devra probablement se rendre devant la cour pour avoir utilisé une arme à feu à l'intérieur des limites de la ville. Voilà. Elle souffre effectivement. Hey, ouais. Parle-moi d'une bonne idée, toi. Elle a vu les films, là, comme les films de guerre. Puis là, le gars, il a une balle dans la jambe. Puis là, le sergent, il dit ah, donne-moi ton petit doigt. Puis là, il casse en pleine face. Fait que là, l'autre, il a plus mal à la jambe. Ouais. Ouais. C'est même for pain. Alors, on continue. La ville de Sullivan's Island, station à balnéaire dans le toujours divertissant état de la Caroline du Sud, tente de faire passer une loi interdisant quiconque de troubler la paix en chantant, en sifflant ou en faisant quelconque son pouvant ressembler à une note de musique. Je n'ai encore entendu aucun citoyen se plaindre, a affirmé Andy Bank, administrateur de la ville. Il y a des endroits où on peut être criard et tonitruant. Sullivan's Island n'en est pas un. Nous voulons nous amuser, mais en même temps, nous voulons que les gens soient respectueux, et s'ils ne le sont pas, nous avons un outil pour nous en occuper. L'outil, une contravention pouvant atteindre 500 $. La règle décrète qu'il est illégal de crier, hurler, huer, siffler ou chanter sur la voie publique, particulièrement entre 23h et 7h, ou à quelque endroit où cela pourrait irriter ou troubler le confort ou le repos dans quelques bureaux, habitations ou autre type de résidence ou de quelques personnes dans les environs. Interdit, quoi! Partout, jamais. Partout, tout le temps, proche de n'importe qui. Ça veut dire que, mettons, il y a un piano qui est pour te tomber dessus, puis là, je gueule, « Hey, tasse-toi! » Pas le droit. Après ça, je vais peut-être avoir un ticket pour t'avoir sauvé. Ça dépend. Est-ce que tu es sur la voie publique ou dans une habitation ou dans un endroit proche ou pas de des gens? Pour qu'il y ait un piano qui tombe dessus. Peut-être. Puis le piano risque de faire des sons qui ressemblent à des notes de musique, en plus. Quand on avait reçu Sonny Duval, j'avais lu des lois de la Caroline du Nord, puis il y avait une des lois que c'était interdit de chanter dans la douche. Caroline du Nord. Mais il y en a beaucoup de ces affaires-là qui paraît que c'est des scams, finalement. Ouais, ça se peut. Hein? Ouais, c'est des pas ça. C'est pas vrai. Des canulars. Ouais, voilà. Hoax. Hey, merci beaucoup, Bruno. C'est tout le temps plaisir. Très éducatif. Ouais. Hey, Étienne, moi, je vais baisser ton volume un petit peu. Je vais mettre un petit bout du film. Oui, ça serait le fun. On va rencontrer notre deuxième antagoniste, en fait. Il va être en train de se donner des coups de pied dans la face j'ignore avec l'autre. Qui vous êtes, OK, je pense. Je vais vous aider. Non, c'est tout seul, ça. Ah, c'est ça, il rencontre le maître. Ça a l'air stressant. Il y avait un vieux monsieur dedans qui était en train de faire du yoga. Là, il est jamé avec ses pieds en arrière de son cou. Qu'est-ce que tu regardes? Aide-moi, j'ai le pied coincé. Quoi? Accident de yoga. C'est vraiment ça. À cause de vous deux, je suis installé dans cette corbeille. Pourquoi ne viens-tu pas m'aider? Vous aider? Mais vous voyez bien que je n'ai pas de bras, que je ne peux pas vous aider. Tu n'as pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas d'aide. Tu as tes jambes, là, l'autre s'est rappelé qu'il avait ses jambes. Pourquoi la petite fille est tombée de la balançoire? Parce qu'elle avait pas de bras. Parce qu'elle avait pas de bras. Là, qu'est-ce qu'il fait, là? Ben, ils s'en vont voir l'autre, là. Tu voulais le tuer, n'est-ce pas? Non, après, la joke non, du manche. D'abord, je veux le faire souffrir. Moi, je dis que tu pourrais la compter, ça soir au revoir. Tu serais mieux avec toi-même. J'ai entendu votre conversation et maintenant je comprends. Pourquoi vous vous battez? Pourquoi cette haine? Je suis sûr que vous venez de chez Linchenko. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je crois que tous les deux, vous faites un très bon couple. Lui n'a pas de jambes et toi, tu n'as plus de bras. Si vous vous associez tous les deux, vous arriverez à battre Linchenko. Ainsi, vous pourrez vous venger. Linchenko. Aidez-vous et vous deviendrez à vous deux un seul homme. Wow. Comment est-ce que ça tâche? Oh, ils se font une espèce de petit rack à velcro. L'image de l'âme qui fait sa demeure. Si l'âme s'unit à l'intelligence, le corps est dominé par cette force. Quoi? Et donc, on passe en séquence de montage. Ils se sont trouvés un maître de kung-fu qui faisait du yoga dans une urne. Voilà, c'est l'étendue du passé de ce personnage mystérieux qu'on va découvrir tranquillement. Et on va se rendre compte que c'est un maître de kung-fu incroyable qui a un démêlé d'ailleurs avec l'autre d'avant. Je lis mon petit texte vite fait là, avant de finir ça. Toi, peut-être, Étienne, si tu veux en partir une autre. Là. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'aime tout le temps. Un petit peu de background. C'était quand même pas mal de misc. Oui, c'est du gros solide. Finalement, comme j'ai pas parlé du pattern de film de Kung Fu traditionnel la dernière fois, je me permets de faire ça là. Comme ça, on va être débarrassé. C'est quoi qui se passe? J'aime les élèves qui jouent avec mon son. Ils baissent le son de mes écouteurs. Ça me... C'est taquin. Oui. Donc... film de kung-fu chinois traditionnel. D'habitude, là où les héros commencent le film en étant fort, reconnu et respecté en kung-fu. Puis arrive l'élément perturbateur, invariablement moustachu, méchant et expert en kung-fu. Comme le méchant bat le héros en kung-fu, le héros régresse et va se faire des forces en kung-fu loin de la ville initiale. En travaillant au champ, il rencontre un vieil homme qui sait à quel point le méchant est méchant et qui décide de passer sa sagesse en kung-fu au héros déchu. De l'autre côté du traditionnel montage d'entraînement en kung-fu résultant de l'association entre l'expérience et le potentiel, on assiste à la contre-attaque du méchant qui tente, à l'aide de son kung-fu, de faire taire les rumeurs qui disent qu'il va perdre quelque chose bientôt. Le méchant finit par trouver le maître, le remet à sa place en kung-fu. On entend usuellement ici la phrase « Jamais je n'aurais dû te laisser en vie » ou « J'aurais mieux fait t'achever ». Le maître décédé, le jeune n'a d'autre choix que d'aller s'abattre en kung-fu contre le méchant maître de kung-fu qui vient de tuer son maître de kung-fu à l'aide de son kung-fu. Le combat final dure au moins 10 minutes et notez bien ce fait, la dernière partie du combat final se passe toujours au ralenti avec des bruits de tape en écho vraiment impossibles. Puis c'est freeze frame sur la forme souffrante du méchant maître de kung-fu qui vient de perdre en kung-fu. Et saviez-vous que le terme kung-fu traduit grossièrement, ça veut dire maîtrise en français? Ah. C'est quand même assez triste. Tu peux avoir un kung-fu en littérature. Et voilà, ça peut être ça. Donc, Crippled Master, les monstres du kung-fu, on l'a trouvé en français. C'est du divertissement entre moins 6 et moins 7. On est pas mal tous d'accord avec ça. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire de quoi d'autre? Ben moi, je pense que j'aimerais mieux entendre les bruits de bouche à Israël pendant 10 minutes. Moi, j'ai pensé à réenchérir sur la blague d'Étienne en disant « une maîtrise en kung-fu ». Oh, elle a... Oh. C'est de la méta-maîtrise, non? Un kung-fu, hein, kung-fu. Ouais. Moi, j'ai hâte d'aller faire le party de fête, là. Hein? On va partir là. Je dis merci beaucoup à Julien Bernatché. C'est tout le temps un plaisir. Oui, respect. Oui, chroniqueur préféré. Ah, Israël. Et voilà, ça veut dire que la barre devient de plus en plus haute à chaque fois. Ouais. De l'autre côté, on a... Et pourtant, les chroniques deviennent de moins en moins bonnes. En plus. C'est ça le problème. On sait que Bruno, c'est l'éditorial. C'est la grosse croûte à percer. Merci bien gros, Bruno Corbin et Elisabeth. Ah oui, t'es beau, là. Le sidekick, on a Evelyne là-bas qui nous a lu du Normal Amour. Oui, mais est-ce que je peux féliciter ma maman de m'avoir donné naissance parce qu'on regardait des photos avec Israël chez nous en buvant du champagne aujourd'hui, puis aïe, j'avais les oreilles décollées. Et voilà. Oui, donc je la félicite, puis merci Sandra puis Elisabeth pour le party de filles, le fond de teint, le maquillage, puis tout, c'est bien gentil. Merci Israël. Merci, ça fait plaisir, je reviens la semaine prochaine avec Final Fantasy VIII, le recommencement. Moi, j'ai vraiment hâte d'en entendre ce jeu-là, c'était c'est considéré blanc. Comme moins impossible. Un. On a descendu. Bonne fête. Sandra, merci beaucoup d'être passée. Ça, c'est comme sa première fois, elle, en plus. Ouais, je pense que oui. Ouais, c'est ça. Mal? Non, ça s'est bien passé. Et puis, Étienne, on poursuit avec les fins de match. Salut. Bye, là. Ouais, c'est ça. Bonne été. C'est pas fini, comme et puis, David Sed, merci bien gros. C'est... On va trouver notre champion. Oui. Je suis sûr que de taper racisme et football, c'est quelque chose qui malheureusement va donner trop de résultats dans un YouTube ou un Google. Moi, je vous laisse avec les derniers bouts que j'ai du film. Je m'en vais à 53 minutes 20. Ils commencent à être ensemble. Tout le monde devient des amis. On poursuit. C'est l'aventure. Le méchant est là. Il est méchant, le méchant, parce qu'il est moustachu et puis il y a une cicatrice. C'était 70%. Mon nom, c'est tout le temps Tommy Godette. Faites attention à vous autres. Maître, lorsque j'ai vu que la situation... tournait mal pour nous. Ah, j'ai préféré revenir immédiatement ici pour vous mettre au courant. Tu es bien sûr que ce sont les mutilés? Oh, j'en suis absolument sûr. Les mêmes que, maître, ceux que nous avons mutilés. Les deux monstres. Oui, oui. Ces deux gars-là sont mes pires ennemis. Et s'ils vivent, toi, par où tu vas mourir? C'est certain. Je te donne 3 jours pour savoir où ils se cachent. Oui, maître. 3 jours. Excusez-moi. Pas question. Vous allez partir d'ici. Oh, mais j'ignorais qu'il y avait des chiens ici dans un endroit si joli. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Un bon chien, il ne resterait pas ici. Toi, tu vas mourir. Oh, monsieur, s'il vous plaît, je tiens la vie. Ne plaisantez pas avec. Oh, tu ignores qui je suis? Tu es étranger ici? Allez, les gars, tuez-le. Oh, Bonjour, maître. Vous étiez nombreux et pourtant vous n'avez pas pu le tuer. Je trouve ça honteux. Ah oui, vous avez raison, mais son kung-fu est foudroyant. Espèce d'idiot. Ah. Prends des armes. Et cette fois-ci, n'oublie pas de le tuer. Ah. Maître, le tuer est facile. Mais pourquoi? Que veux-tu dire? Nous pourrions nous servir de lui pour tuer les deux estropiés. Ensuite, nous aurons le temps d'agir, maître. Oui. C'est intelligent. C'est un bon plan. Pao Chenqing, d'habitude tu es stupide, mais cette fois-ci j'avoue que tu as trouvé une solution idéale. Ça alors? Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? We real cool. Luxe. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. La deuxième édition du festival Meg Montréal présente, avec Choc FM, les soirées Club Meg les 29, 30 et 31 juillet 2010 au Club Soda. Avec Birdie Nam Nam, Holy Ghost, Blackstroke, Beat Torrent, In Flagranti et la crème des DJ résidents montréalais, Mary Hell, DJ Mayday et DJ Brace. Venez vous déhancher sur une programmation pointue de DJ sets et de live électro d'artistes locaux et internationaux. Le Meg Montréal donne rendez-vous à tous les amateurs de beats tapageurs et de pas de danse endiablés au cours de trois soirées survoltées en plein cœur de Montréal. Plus d'infos sur megmontréal.com. Vous écoutez l'épisode numéro 109 de Dans ta bulle, l'émission bande dessinée sur les ondes de Choc FM, et nous sommes le 28 juin 2010.